Marcel, venez. Les cours du Collège de France, Antoine Compagnon. Étude, essai, roman. Étude, roman, essai. Vous avez vu cet homme ? Proust, essayiste. Vous voici conviés cet été au Collège de France pour partager une recherche en marche en compagnie d'Antoine Compagnon et de ses invités. Comment chez Proust, la vérité se révèle-t-elle, se ressent-elle, mais ne se possède pas ? Dans son texte intitulé « Sur la lecture », à quelle vigoureuse critique de l'historien dans le monde se livre l'écrivain Marcel Proust avant même les pages de son « Contre Sainte-Beuve » ou de son roman « À la recherche du temps perdu ». Comment ce texte de 1906, qui crée une fiction historique, est-il un laboratoire, s'interroge Donatien Gros. Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, nous entraîne depuis plusieurs semaines dans une grande enquête autour de Proust essayiste. Nous le retrouverons en fin d'heure pour un échange avec Donatien Gros, qu'il reçoit aujourd'hui dans son séminaire. Donatien Gros s'est partagé entre des fonctions universitaires, notamment à l'École normale supérieure, et muséale. Il est attaché actuellement au Musée d'Orsay. Docteur en littérature française et comparée, en littérature moderne et histoire de l'art, et en sciences historiques et philologiques, il est l'auteur à la fois de travaux savants, comme Néron en Occident en 2015 ou le roman romain en 2018, et d'essais littéraires. Il a notamment publié Tout contre Sainte-Beuve en 2013. Donatien Gros nous propose, selon ses mots, un exercice de lecture au plus près du texte de Proust qu'il cite longuement. Alors comment retrouvons-nous l'opposition de Proust entre la réflexion interne et la diplomatie de l'histoire, la philologie stérile ? Comment Proust condamne-t-il, lui qui a voulu être historien, la prétention des historiens à une vérité non sensible ? Comment l'écrivain se joue-t-il d'une note de bas de page et comment la détourne-t-il pour en faire un instrument de doute ? Pourquoi, pour Marcel Proust, il n'est pas acceptable d'associer vie et enquête, demande Donatien Gros. Nous gagnons le Collège de France pour le séminaire d'Antoine Compagnon le 12 mars 2019. Aujourd'hui, fiction, non-fiction, l'histoire dans l'essai. Merci, cher Antoine, de votre invitation. Je suis ravi et honoré, intimidé évidemment, d'intervenir parmi cette auguste assemblée, avec vous, et au sujet de Marcel Proust, auquel je me suis beaucoup intéressé, mais que, sur les conseils d'un maître proustien, délaissé Proust, il dévore, m'avait-il dit. J'ai quelque peu délaissé ces dernières années pour me préoccuper davantage de questions d'historiographie, notamment autour des rapports entre histoire et fiction, à partir de la ville de Rome, antique et moderne. Et pourtant, au moment de recevoir votre invitation, j'ai su exactement de quoi je souhaitais parler. Je me suis souvenu d'un passage du « Sur la lecture » publié pour la première fois en préface à la traduction que Proust fit de César Médélis et repris dans Pastiche des Mélanges. Ce passage dont je vais vous parler aujourd'hui m'avait semblé poser en des termes d'une précision inégalée dans l'œuvre de Proust. Les rapports entre histoire et fiction, la vieille tension aristotélicienne. Vous savez que selon la poétique, la fiction, qui est le véritable sens du terme grec « poiesis », était plus philosophique que l'histoire. Ce passage, intégré à une discussion à partir de Ruskin, me paraissait jeter une lumière très crue sur la lecture personnelle, intime et en même temps contestataire que Proust jetait sur l'œuvre de Sainte-Beuve, le critique, romancier, poète, historien, qu'il devait prendre à partie 3 ans plus tard dans les textes contre Sainte-Beuve. Il s'agit là d'un passage clé, en quelque sorte, qui permettait de comprendre beaucoup de ce nœud de sens qu'est le rapport entre fiction et histoire, tel qu'il se manifeste dans l'essai sur la lecture. Fiction et histoire, c'est peut-être la grande question poétique et herméneutique du XIXe siècle, c'est celle de Sainte-Beuve, et à certains égards aussi, c'est celle de Proust. Ce passage est situé aux 2/3 du « Sur la lecture ». Mais il me paraît nécessiter un commentaire précis afin de en faire ressortir toutes les richesses et tous les effets de sens. Cet exercice de lecture permet de mettre à jour les tensions du propos proustien.

Après tout, la méthode historique telle qu'il la décrit, du verbe « décrier », n'est pas absurde. Elle est même, pourrait-on dire, celle qui domine aujourd'hui, dans les historiographies les plus contemporaines de la fin de la deuxième décennie du XXIe siècle. Une histoire en quête de documents, en quête d'archives perdues, et on ne sait comment Michel Foucault aurait pu réagir aux mots de Proust, critiquant ainsi l'accès aux documents en faisant l'effet d'une mondanité et d'une rhétorique. Le caractère somme toute matériel, et je cite le texte, du travail de l'historien ne bloque pas la voie à une entente sensible, qui va être effectivement la grande voie prônée par Proust, il la rend possible. On ne peut s'empêcher de penser à le lire à la perspective d'une histoire qui s'écrit en réseau, où les savants font preuve, les uns envers les autres, d'une gratitude légitime, où ils se dédient parfois les livres. Une histoire qui se vit aussi, où l'historien se fait autant scripteur qu'il est auteur, et où il n'a pas de vergogne à s'intégrer lui-même au récit historique. Au contraire, l'insertion de l'historien dans son récit vaut franchise. Si l'histoire est fragile, si l'historien doit savoir d'où il parle, c'est au service même de l'histoire qu'il le révèle. Tel est un présupposé contemporain majeur. Comme il est loin de la position proustienne, qui voit dans cette présence du sujet dans l'histoire, dans l'enquête, une illusion, un délaissement plein de charme face à l'introspection sensible. La critique qu'exerce Proust n'est pas simplement adressée aux historiens ou à Sainte-Beuve, puisque c'est évidemment de lui qu'il s'agit. Elle est entièrement dirigée vers une tradition entière, celle que Marc Fumaroli a qualifiée de diplomatie de l'esprit, qui ne séparait pas politique, philologie, existence. Ce qui est en cause, c'est la forme tardive, désormais hors de portée, hors d'âge, hors d'époque, d'une république des lettres. Faire jouer de puissantes influences, œuvrer au succès d'une sorte de mission diplomatique, même pas une mission diplomatique, une sorte de mission diplomatique, ne lui semble guère servir la découverte de la vérité. Si Proust fait preuve d'une extrême ironie, c'est que pour lui, il n'est pas acceptable d'associer ainsi vie et enquête. Ce texte est un laboratoire pour ce qui devient, quelques années plus tard, les essais contre Sainte-Beuve, et évidemment à la recherche du temps perdu. En lisant la vigueur avec laquelle il critique l'historien dans le monde, on ne peut s'empêcher de penser à la persévérance avec laquelle il construit, 12 ans plus tard, lettre après lettre, son image de reclus, lui qui, comme chacun sait, sortait jusqu'à 3 fois par semaine, même s'il vivait la nuit. Proust n'est pas un diplomate de l'esprit. Ce texte est d'ailleurs un des plus précis sur le rapport entre le savoir constitué et le monde. Ce n'est pas une mise en cause de la mondanité en soi, au sens d'un personnage comme Brichot. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. C'est bien plutôt du rapport au monde, c'est-à-dire à la totalité à laquelle nous appartenons, mais que nous ne sommes pas seulement. Le passage ne semble pas accepter que l'historien ait, après tout, une vie biographique, qu'il soit dans un contexte, qu'il agisse dans ce contexte, qu'il cherche. Il suffit de ressentir l'ironie contenue dans le calme et la fraîcheur du vieux couvent sont si exquis. Pendant que nous travaillons, les carillons du XVIIe siècle étourdissent si tendrement l'eau naïve du canal qu'un peu de soleil pâle suffit à éblouir entre la double rangée d'arbres dépouillés dès la fin de l'été qui frôle des miroirs accrochés aux maisons à pignons des deux rives. À lire Proust, on serait presque prêt à croire que l'historien ne peut être conscient du monde qui l'entoure au moment où il réalise sa tâche, parce qu'il ne cherche pas d'abord la vérité en lui-même, et même que ce monde qui l'entoure est une distraction. L'historien aurait dû, comme le document qu'il a examiné, rester enfermé dans le couvent. Si Proust ne prend pas au sérieux la méthode historique, il est prompt à en mettre en évidence les dérives personnelles. Tout devient une sorte de flatterie de l'ego et non la manifestation d'une quête herméneutique. Tout élément de la méthode est tourné en ridicule. Si l'historien prend des notes, c'est pour plus de prudence et pour que la vérité ne risque pas de nous échapper. Méthode hyperbolique, pour un acte somme toute normal, prendre en note le document que l'on examine. L'enquête proprement philologique est considérée dans la narration comme une peine, dont on aurait tort de se plaindre. Quant aux quelques recherches, aux courts travaux que nous serons obligés de faire dans la bibliothèque du couvent et qui seront les préliminaires indispensables, mais évidemment pas très recherchés, de l'acte d'entrée en possession de la vérité. Là aussi, il y a une légèreté, une moquerie face au patient travail de la philologie du XIXe siècle qui n'est pas sans surprendre. On ne peut guère penser que les dizaines de volumes publiés par chacun des grands historiens du XIXe siècle, pris dans une grande entreprise de catalogage des sources, la fameuse Quellenforschung allemande, résulte de courts travaux, je cite. Proust retourne la pratique de l'historien, qui nécessite beaucoup de temps et de travail de recherche avant de pouvoir dégager une vérité, et qui certes peut se réaliser dans un moment de calme et de fraîcheur, pour reprendre les mots employés du texte. Mais là n'est pas l'objet. Pour l'ironie de Proust, c'est cependant là qu'il faut faire porter l'accent. Le texte est plein de lieux communs. Le gardien des archives d'Amersfoort est, comme on aurait pu s'y attendre, pieux. L'archevêque est vénérable. Les influences sont puissantes. Les canaux sont dormants. L'infolio est jalousement conservé. On sent dans la phrase une moquerie envers l'emphase de l'histoire. L'estime dont ils continueront à nous envoyer de temps à autre le témoignage nous relèvera à nos propres yeux et nous garderons leurs lettres comme un certificat et comme une curiosité. La communication avec les partenaires dans l'accès au savoir n'est qu'un certificat. Mais de quoi le certificat est-il le certificat ? Pourquoi les historiens ont-ils besoin d'être relevés dans leur propre estime ? Qu'est-ce que le certificat certifie ? L'accès légitime aux documents, le fait que l'historien est historien. Rappelons-nous l'origine même du terme histoire, l'enquêteur, l'enquête. Pourquoi l'historien a-t-il besoin d'un certificat ? On sent la suggestion subreptice d'une falsification de l'histoire qui impose l'incertitude quant à la vérité de la parole historique. Nous sommes alors en plein âge du positivisme historique. Proust serait-il l'inventeur de la crise de l'histoire ? Il faut à cette étape se rappeler deux faits. Un fait biographique, un fait culturel. J'espère que Marc Fumaroli ne m'entend pas utiliser le mot culturel. Le fait biographique, j'espère que vous m'excuserez ce cas de beuvisme aggravé, c'est que Proust avait envisagé d'être historien. Il avait, jeune homme, eu la passion de l'histoire. On se souvient du texte que lui consacre son ami de jeunesse, Jacques-Émile Blanche, dans le numéro d'hommage de la Nouvelle Revue Française, paru en janvier 1923, où il rappelle que Proust, à 20 ans, en remonterait aux professeurs d'université quant à la précision de leurs connaissances historiques. Je cite Blanche, « étonnant ses illustres professeurs par son intelligence et sa culture précoce ». Proust, un historien déçu, l'autre donnée à prendre en compte tient à la date de ce texte, 1905. 3 ans plus tôt, le prix Nobel de littérature, dans sa deuxième édition, avait été décerné au philologue et historien allemand Theodor Mommsen, qui était mort, lui, 2 ans plus tôt, en 1903. La philologie avait triomphé, et les disciplines du savoir étaient fondées dans cette méthode qui cherchait à retrouver les textes perdus et à voir dans des documents retrouvés les sources de la connaissance du passé, les fameuses sciences auxiliaires de l'histoire, paléographie, papyrologie, épigraphie et ma chère numismatique. On connaît l'histoire de la guerre philologique que se livrèrent Français et Allemands, création des écoles françaises à Athènes puis Rome, des instituts archéologiques allemands. La philologie française n'était pas celle de Berlin, ni celle de Cambridge ou d'Oxford, et elle avait cherché, notamment dans le dernier tiers du XIXe siècle, avec Gustave Glotz, avec Fustel de Coulanges, avec Gaston Boissier, avec Pierre de Nolhac, Nolhac qui avait découvert le Canzonier et de Pétrarque, à être littéraire à côté de son activité de lecture de textes. Tous avaient pratiqué des formes d'écriture qui n'étaient pas à proprement parler de l'histoire, et certainement pas de la philologie, mais qui n'étaient pas non plus de la fiction. Pensons aux promenades archéologiques du grand historien de la Rome tardo-républicaine, Gaston Boissier, paru en 1880 et 1886. Proust prend position contre une philologie historique qui a partie liée à la littérature essayistique, dont l'exigence de véridicité est mise en question, mais qui ne prend pas le parti de la fiction. Et pourtant, la tonalité du texte est ambiguë. Si par moments on perçoit clairement l'ironie, à d'autres le plaisir de la description est indéniable. Et l'on pourrait voir dans l'ironie proustienne, face à un excès de détails, dans la description de l'expérience du cheminement propre à l'enquête historique, la manifestation en réalité d'une conscience de la sensation au moment où l'histoire s'écrit. Le passage « Les carillons du XVIIe siècle étourdissent si tendrement l'eau naïve du canal qu'un peu de soleil pâle suffit à éblouir entre la double rangée d'arbres dépouillés dès la fin de l'été qui frôle des miroirs accrochés aux maisons à pignons des deux rives. » C'est un test de lecture de la phrase, sans virgule. « Avec son caractère baudelairien, n'est-ce pas là une sorte d'invitation au voyage ? Voit sur ses canaux dormir ses vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. » Ce passage n'est pas sans rappeler les moments de synesthésie qui se développe ensuite en nombre dans « À la recherche du temps perdu ». On en retrouvera des traces précises dans les cahiers. Je pense notamment en 1914-15 au cahier 46, feuillet 82 recto. « La vue d'un vaisseau qui s'éloignait comme un voyageur de nuit me faisait penser au bonheur que c'eût été de partir avec Albertine pour Amsterdam. » L'une des caractéristiques principales de ce texte tient au fait que la recherche est énoncée au futur. L'action de l'historien inquiété se fait au futur. Elle ne se fait pas au présent, elle ne se fait pas au passé, et, je vais y revenir, elle ne se fait pas au conditionnel. Le temps est ouvert, et l'historien lui-même se prépare à agir au futur. La force d'une telle proposition mérite d'être relevée. Proust écrit face aux historiens essayistes, de même qu'il écrit face à une lignée de romanciers qui inventait le roman moderne dans une volonté d'échapper au poids du passé. Pensons aux frères Goncourt, pensons à Paul Bourget. L'histoire est à venir, et il pourrait être pertinent de tenter d'examiner quel sens ont ces formes verbales futures. On ira, on cherchera, etc. Est-ce une vocation, un futur de destinée? Est-ce un futur proche? On remarque par ailleurs que le passage consacré aux sensations, non pas à l'enquête, mais aux sensations provoquées par l'environnement de l'expérience historiographique, est au présent. Le seul passage au présent est celui de la sensation. Semble présider au texte une sorte de conception à la fois fatale et dysfonctionnelle de la pratique historique. On pense, en sens inverse, au texte de 1871, par lesquels Wilamowitz condamna la liberté de la méthode philologique mise en œuvre par Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Dans ce texte intitulé « Philologie du futur », point d'exclamation, « Zukunftsphilologie », Wilamowitz accuse Nietzsche de créer une forme monstrueuse, criminelle, qui est à la fois le fruit de l'intuition et d'une servitude du jour. Il la qualifie de « sklave des Tages ». L'histoire des temps passés, la recherche de cette histoire, est conjuguée au futur, et elle est en fait celle du passé. Et en la rendant au futur, il en consomme la caducité. Le passage au présent, en revanche, celui de la sensation, est aussi celui d'un temps poreux, sensible, où existent encore les faits de civilisation, qui étaient ceux de l'époque de Rogier van der Weyden, et où l'on peut revoir des figures de l'époque janséniste. Le passé est toujours vivant dans la sensation. Le titre du roman publié par Henri de Régnier, également en 1905, « Le passé vivant », pourrait s'appliquer ici même à Proust, mais uniquement dans l'espace de la sensation, d'une sorte d'adhésion des temps. La critique principale de Proust tient à l'affirmation, selon une telle conception de l'histoire, d'une séparation entre l'action du sujet historien et du monde qui l'entoure, le refus du sensible comme espace de la porosité où les expériences adviennent. C'est au sujet historien qu'est donnée la vérité. Elle lui est communiquée. la communication de la vérité, le don, trois petits points, de la vérité, dont parle Proust, et pour lequel il faudrait remercier les agents de la gratification, signale le caractère verbal d'une telle conception de la vérité, qui ne laisse pas de place au temps, et donc pas de place à l'espace, pas de place à la profondeur. La vérité est donnée par quelqu'un à quelqu'un. Le chanoine donne les archives à X, on va découvrir que X est Sainte-Beuve, et ensuite il a accès, puis il peut feuilleter. La notion de don signale une gratuité, une immédiateté, un accident, qui sont très éloignés de la vision de Proust, mais aussi très loin, il faut le dire, de ce qu'était le travail philologique de son époque. Au fond, pour reprendre une phrase un peu célèbre, un tel travail serait celui d'une science sans conscience. Après la description que je viens de commenter, Proust synthétise sa critique dans un passage un petit peu plus théorique, que je vais vous lire maintenant. Cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, que nous remet en propre celui qui la détenait matériellement sans peut-être même la connaître, d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet, cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Car bien souvent, pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher dans un livre est moins, à proprement parler, la vérité elle-même que son indice ou sa preuve, laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie, et qui, elle, est du moins une création individuelle de l'esprit. On retrouve ici la position proustienne, l'opposition entre réflexion interne et diplomatie de l'histoire. Il met en cause les transmetteurs, et plus encore, la conception d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, la diplomatie, et qui se laisse copier par carnet, la philologie. S'il en existe de plus dangereuses, celle-ci n'en est pas moins largement insuffisante, car elle repose sur une confusion entre indice et preuve, un autre professeur au Collège de France dirait trace, et vérité elle-même, création individuelle de l'esprit. Ce que reproche Proust avant tout à une telle écriture de l'histoire, et partant de la vérité historique, c'est-à-dire d'une prétention d'une vérité non sensible, c'est de reposer sur un dispositif de réflexivité sans réflexion, de mise en scène de l'obtention d'un document comme vérité pour ne pas se confronter à la nature de la vérité elle-même, de présenter la forme physique, l'enquête physique de l'historien pour ne pas interroger le contenu et la nature de cette vérité. C'est-à-dire de rester dans une extériorité sans vouloir entrer dans les arcanes de l'intériorité et surtout de l'espace sensible. On sent également poindre, dans son propos, la critique du fétichisme de l'objet livre, de l'in-folio, perçu comme un document en soi, là aussi, comme une extériorité, comme une prétention d'objectivité, par opposition à l'affirmation d'une individualité qui est esprit, un terme dont on sait à quel point il est présent dans l'époque. On retrouve le début du texte où il mettait en cause, dans un tout autre sens, un esprit fatigué de lui-même et qui se devait donc d'aller chercher la vérité en dehors de lui. Un esprit aussi qui envisageait la vérité suivant l'ordre d'une possession, entrer en possession de la vérité. La vérité se révèle, se manifeste, se ressent. Elle n'est pas, chez Proust, de l'ordre d'une propriété. On a l'impression que l'ordre philologique du savoir est en réalité comme une manière de se conforter dans un besoin de réassurance et de pouvoir. On sent poindre derrière une telle approche, la critique nietzschéenne, dont on sait très bien que c'est exactement à ce moment-là que les œuvres complètes de Nietzsche paraissent au Mercure. On pense notamment à la deuxième considération de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie. Je vais vous citer dans la traduction d'Henri Albert. Il y a un très très léger anachronisme, la traduction paraît en 1907, mais elle circulait déjà dans les cercles du Mercure et on trouve dans d'autres textes des parallèles proches. L'histoire appartient donc, en second lieu, à celui qui conserve et vénère, à celui qui, avec fidélité et amour, tourne les regards vers l'endroit d'où il vient, où il s'est formé. Par cette piété, il s'acquitte en quelque sorte d'une dette de reconnaissance qu'il a contractée envers sa propre vie. En cultivant d'une main délicate ce qui a existé de tout temps, il veut conserver les conditions sous lesquelles il est né pour ceux qui viendront après lui, et c'est ainsi qu'il sert la vie. Le patrimoine des ancêtres, dans une âme semblable, reçoit une nouvelle interprétation de la propriété, car c'est maintenant lui le propriétaire. On voit bien comment s'articule chez Nietzsche la critique d'une histoire qui vise surtout à conforter qui en est l'auteur, le propriétaire. Ce qui d'ailleurs invite, à partir de Nietzsche, à interroger l'objectivité de cette croyance en la vérité dont l'historien serait le dépositaire. Comme si, en creux, il s'agissait de rejeter avec ironie la propriété de cette histoire des faits extérieurs qu'il s'agit de s'approprier comme un objet. Un objet verbal, sujet, verbe, complément, don de la vérité. Le texte narratif de Proust est lui-même pris dans une tension entre la richesse de la description de l'expérience faite par l'historien dans son enquête, on connaît jusqu'à chaque étape du chemin, au futur, dans lequel cette enquête est évoquée, et à l'absence totale quant au contenu du manuscrit. On ne sait rien du manuscrit, si ce n'est que c'est un in-folio. On ne sait pas de qui c'était, ce que c'était, quelle était la nature du texte. Le Collège de France et France Culture vous présentent la série Proust essayiste. Aujourd'hui, le séminaire d'Antoine Compagnon avec Donatien Gros. Fiction, non-fiction, l'histoire dans l'essai. À examiner ce passage sur la lecture, on se rend compte de son importance. Il traite de la sensation, du rapport à l'histoire, du sujet, du sensible. Il évoque l'argument, d'abord par un exemple, une sorte de récit historique au futur, puis le ressaisit à la manière d'un essai. L'emploi à plusieurs reprises du terme « vérité », à chaque fois dans des sens distincts, signale que l'histoire n'est pas simplement le récit des faits du passé. C'est aussi et surtout un usage de la vérité, et peut-être même l'usage le plus fort. Mais ce n'est pourtant pas le texte lui-même qui est le plus important, le corps du texte sur la page. C'est l'imbrication entre celui-ci, ce texte que je viens de vous lire, et une note de bas de page. Une note de bas de page qui a été très peu commentée. Antoine Compagnon en a un peu parlé dans la préface de Sésame et Lélis, mais qui a été très peu commentée. C'est une note en astérisque que livre Proust. Et c'est l'un des textes les plus importants, je pense, de l'œuvre de Proust. Clé. Elle est rattachée à la fin de la phrase que vous allez entendre pour la 10e fois, l'exercice de lecture. Un peu de soleil pâle suffit à éblouir entre la double rangée d'arbres dépouillés dès la fin de l'été qui frôle des miroirs accrochés aux maisons à pignons des deux rives. Et voici le texte. Je n'ai pas besoin de dire, donc qui commente tout ce qu'il a dit avant. Je n'ai pas besoin de dire qu'il serait inutile de chercher ce couvent près d'Utrecht et que tout ce morceau est de pure imagination. Il m'a pourtant été signalé par les lignes suivantes de M. Léon Séché, historien de la littérature, homme de lettres, dans son ouvrage sur Sainte-Beuve. Il, Sainte-Beuve, s'avisa un jour, pendant qu'il était à Liège, de prendre langue avec la petite église d'Utrecht. C'était un peu tard, mais Utrecht était bien loin de Paris, et je ne sais si volupté aurait suffi à ouvrir à deux battants les archives d'Amersfoort, ouvrir un couvent. J'en doute un peu, car même après les deux premiers volumes de son Port-Royal, le pieux savant qui avait gardé ses archives, etc., Sainte-Beuve obtint avec peine du bon monsieur Carsten la permission d'entrebâiller quelques cartons. Ouvrez la deuxième édition de Port-Royal et vous verrez la reconnaissance que Sainte-Beuve témoigna à monsieur Carsten. Léon Séché, Sainte-Beuve, tome 1, page 229 et suivante. Il nous donne même la référence de page. Alors vous verrez, la référence de page triche un peu, on en parlera un peu tout à l'heure. Quant aux détails du voyage, Proust reprend la parole, ils reposent tous sur des impressions vraies. Des impressions vraies. Pas des faits, des impressions. Je ne sais pas si on passe par Dordrecht pour aller à Utrecht, mais c'est bien tel que je l'ai vu que j'ai décrit Dordrecht. Ce n'est pas en allant à Utrecht, mais à Volendam, que j'ai voyagé en coche d'eau entre les roseaux. Le canal que j'ai placé à Utrecht est à Delft. J'ai vu à l'hôpital de Beaune, Beaune, c'est pas vraiment en Flandre, ni en Hollande, un Van der Weyden et des religieuses d'un ordre venues, je crois, des Flandres, Flandre, Hollande, qui porte encore la même coiffe, non que dans le Roger van der Weyden, 15e siècle, 1440, 1450, mais que dans d'autres tableaux vus en Hollande, 17e siècle. Cette note est la véritable clé de l'œuvre ultérieure de Proust. On pourrait dire que c'est son shibboleth. Il s'agit tout d'abord, par l'astérisque, d'une note de bas de page. Elle s'intègre donc à une histoire qu'a retracée Anthony Grafton, qui est exactement celle de l'érudition européenne. D'Athanasius Kircher à la philologie allemande, en passant par l'usage qu'en fit Bell dans les polémiques historiques et philosophiques, et bien sûr par la transformation littéraire que lui fit subir le romantisme britannique à partir d'Edward Gibbon et de son Decline and Fall. C'est donc l'apparatus même du discours historique qui est en jeu. Proust s'en joue, car il fait usage d'une note de bas de page, c'est-à-dire d'un instrument de confortation de la véridicité du propos, pour un texte où il annonce dès l'abord la fausseté de ce qu'il est en train de raconter. Et il l'indique comme étant de toute évidence. Je n'ai pas besoin de dire qu'il serait inutile de chercher ce couvent près d'Utrecht et que tout ce morceau est de pure imagination. La note de bas de page est détournée de son usage traditionnel pour devenir un instrument du doute dans la méthode historique, tout en allant jusqu'à référencer la page de l'essai qu'il cite. Mais surtout, et vous verrez bien sûr d'où je veux en venir, la figure qui est en cause derrière cette mise en scène est bien celle de Sainte-Beuve. À l'exception de la phrase programmatique du temps retrouvé, les vrais livres doivent être les enfants, non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence, une phrase qui a de très clairs échos avec ce passage, Proust n'a jamais autant donné à penser sur son rapport à Sainte-Beuve. Car en faisant référence à l'expérience de Sainte-Beuve en Hollande, à la sienne propre, avec ses voyages de 1898 et de 1902, qui toutes appartiennent au passé, et en la déplaçant au futur dans le texte, il s'est mis en position de revivre ce qu'avait vécu Sainte-Beuve. Mais en faisant basculer la temporalité du passé à l'avenir. Tout d'abord, Proust minore considérablement l'importance de la découverte de Sainte-Beuve au couvent d'Amersfoort. C'est une découverte très importante dans l'histoire de la littérature et de l'histoire de la culture en général. Il a fait bien plus qu'entrebâiller quelques cartons, et, comme le dit Léon Séché, et la coupe qu'impose Proust au passage est en elle-même très rhétorique. Quelques pages plus tard, Léon Séché explique que Sainte-Beuve a fait beaucoup plus. Une page plus tard. Quelques temps après, M. Karsten, je cite Léon Séché, lui faisait parvenir en copie, en dehors des livres manuscrits de M. Le Camus, cette vie de M. de Pontchâteau et ses mémoires de M. Villard, dont il a tiré un si beau parti dans les derniers volumes de son ouvrage, notamment ce qui concerne les dernières années de Racine. Page 231 de l'ouvrage cité. Il s'agit du cardinal Le Camus, évêque de Grenoble à partir de 1771, retiré à Port-Royal. Germain Villard était un bourgeois de Paris, ami de Racine, monsieur de Pontchâteau et Sébastien Joseph du Cambou de Coislin de Pontchâteau, petit-neveu à la mode de Bretagne du cardinal de Richelieu, proche du jansénisme, qui tenta deux missions de conciliation à Rome en 1677 et 1680. Ce sont donc des documents très importants. Il y a d'ailleurs à noter que Léon Séché, lui-même éditeur de nombreux documents inédits d'histoire littéraire, a cherché dans sa propre méthode à confirmer les informations de Sainte-Beuve en écrivant au fameux monsieur Karsten. Les archives d'Amersfoort, un des derniers bastions du jansénisme tardif, où furent collectés des documents de Port-Royal après la destruction de l'abbaye, sont encore aujourd'hui un des plus importants ensembles documentaires de cette aventure. Proust rend l'expérience de la découverte historique à la fois plus sensible et plus triviale. L'expérience de l'histoire chez Proust doit être sensible. Ce passage est crucial. Il s'agit du moment où Proust lui-même évoque la question des archives, question qui devait devenir si importante après sa mort, et il en rejette le primat. Si Proust semble considérer que dans la découverte de l'archive, ce qui compte le plus, ce sont les Hénins semblables à ceux des figures peintes par Roger van der Weyden, même s'il y a 200 ans d'écart, il se pose en opposition à toute la tradition qui se développe alors du travail historique. L'histoire est celle de l'expérience sensible, et le temps retrouvé, semble nous indiquer ce texte, n'est pas le résultat de l'enquête de l'historien à la Sainte-Beuve, c'est d'abord celui du sujet sensible au passé, à la Ruskin. J'ai intitulé cette intervention « Fiction, non-fiction ». C'est évidemment une question centrale de l'œuvre de Proust, et Antoine Compagnon met en évidence, tout au long de ce cours, à quel point Proust est tendu entre l'essai et le roman, pourrait-on dire surtout, entre la fiction et la non-fiction. J'espère que vous me pardonnerez ces catégories un peu anglo-saxonnes. On peut lire ce texte comme une manifestation de ruskinisme historique. Mais une autre chose est en jeu. Il met clairement en évidence comment la fiction est une histoire réinventée au futur, au destinal. Le passage au corps de la page est au futur et au présent. Je le disais au début, il n'est pas au conditionnel. Le texte n'indique pas une potentialité de l'expérience de la découverte. Au contraire, c'est un futur de l'indicatif. Et on sait à quel point Proust était sensible au temps et aux conjugaisons. La découverte historique est à faire, elle va être faite, et elle sera décevante. Mais, nous indique la note, je n'ai pas besoin de dire qu'il serait inutile de chercher ce couvent près d'Utrecht et que tout ce morceau est de pure imagination, coupant court à toute lecture historique et factuelle. L'histoire est au futur et elle est fausse. Et pourtant, ce morceau est-il vraiment de pure imagination? Car à lire le récit de Léon Séché, que Proust cite lui-même, fin sans doute de mettre en évidence les décalages, mais aussi les affinités avec son propre propos, on est frappé du nombre de points communs. La géographie est la même, la découverte est la même, l'essentiel du récit est le même. Le futur du récit fictionnel est donc une altération du passé historique. Si ce n'est que dans le texte proustien, les géographies sont rendues incertaines. On ne sait comment aller de Dordrecht à Utrecht, Delphes, le petit pan de mur, le XVIIe siècle, se mêle. L'âge d'or néerlandais compose avec les primitifs flamands. Les temps se mêlent, les géographies se troublent. Tout ce qui fait la certitude de l'histoire se défait. L'affirmation d'une histoire au futur est immédiatement contredite. Mais la fiction crée un ordre où les temps sont contaminés, où les personnes se mêlent. Face à la rhétorique de l'histoire, Proust présente une philosophie de la fiction. Et pourtant, la plus grande partie des faits sont là, sinon le contenu. Le récit des sensations vient se conjoindre à la présence d'un style en cours de définition qui n'a certainement pas la sécheresse de Léon Séché ou à certains égards de Sainte-Beuve. Revenons un instant, pour finir, à la question Sainte-Beuve. Car entre fiction et non-fiction, entre histoire et essai, l'héritage du XIXe siècle porte encore, en 1905, ce nom. Léon Séché parlait de volupté, le grand roman autobiographique de Sainte-Beuve, grand récit de déception et de vocation qui apparaît parfois, notamment dans le fragment consacré à Sainte-Beuve et à Baudelaire, mais très peu dans l'œuvre de Proust. Mireille Naturel a montré comment Proust, par Flaubert, s'était aussi confronté à cette source du XIXe siècle qui est volupté, le grand roman autobiographique et en un certain sens millénariste. Il se finit, comme vous le savez peut-être, dans la baie de New York, où aboutit le héros, où il va convertir et enseigner les Américains, une sorte de prodrome d'Antoine Compagnon, un des premiers exemples de la translatio imperii, dont à la recherche du temps perdu, immédiatement adopté par Hemingway, Fitzgerald et Faulkner, finalisa l'histoire. Au fond, l'une des raisons du succès de la recherche du temps perdu aux États-Unis, c'est que c'est le récit de la fin de l'Europe. Volupté apparaît ensuite très rarement dans l'œuvre de Proust, à un tel point qu'on a pu y voir une source cachée de la recherche, en tout cas un refus, pour ce texte dont la contradiction inspira rien moins que le Lys dans la vallée, l'éducation sentimentale et le disciple de Bourget. Mais si volupté n'apparaît que rarement, Port-Royal, qui est pour le coup le chef-d'œuvre de Sainte-Beuve historien, n'apparaît jamais dans l'œuvre publiée de Proust. Ce texte est le seul, à ma connaissance, où il est non pas cité, parce que Port-Royal n'est pas véritablement cité dans ce passage, mais où il est fait allusion à Port-Royal, le chef-d'œuvre de Sainte-Beuve, issu d'un cours donné en 1837-1838 à Lausanne, puis publié en 1840 et 1859. Je ne sais pas si vous avez lu le Port-Royal, il y a une très belle édition bouquin, je crois. C'est un texte extraordinaire. Et c'est cette grande histoire qui vint rompre les récits traditionnels de l'Église, justement sur la querelle janséniste, pour inventer, en même temps que Michelet, et peut-être plus encore, selon Brunetière, une histoire totale, une histoire intellectuelle, culturelle, littéraire, artistique, sociale, celle d'une des plus grandes expérimentations du XVIIe siècle. Proust n'a cessé de s'en prendre au lundi. Il a cité le fameux livre sur Chateaubriand. Il s'en est pris aux erreurs de goût de Sainte-Beuve critique. Il a attaqué son incapacité, qui était d'ailleurs plus mesurée que ne le dit Proust, à reconnaître Flaubert et Baudelaire. Mais il ne s'est pas confronté au Sainte-Beuve historien, à l'un des inventeurs de l'histoire, telle qu'elle se pratique, avec bien sûr des inflexions significatives, depuis. Micro-histoire, grande histoire, histoire d'une expérience de vie, histoire totale, histoire d'un fait religieux et du basculement d'un monde. Toutes ces qualifications, qui sont justes pour le Port-Royal, pourraient en réalité s'appliquer au roman proustien lui-même. On connaît le fameux critère shakespearien. Les absences comptent davantage encore que les présences. Pourquoi le roi Lear n'a-t-il pas d'épouse? Pourquoi Port-Royal n'apparaît-il qu'en note de bas de page, ici? La force de ce texte, et son importance, est de donner à voir, plus je crois que n'importe où ailleurs, le rapport de Proust à Sainte-Beuve, et par là, le rapport entre fiction et non-fiction face à l'histoire. Littéralement, Proust et Sainte-Beuve en fiction. Ce que Sainte-Beuve a fait, le voyage qu'il a entrepris, Proust l'entreprend de nouveau, mais dans un ordre du discours contaminé, où les faits sont devenus fluides. L'histoire des faits devient des retrouvailles avec un passé par la sensation. Le document disparaît au profit du sensible. Et pour transformer le voyage de l'historien, il faut faire usage, sinon déjà du roman, nous sommes en 1905, du moins de la fiction. Ce texte, paru en 1905, est en quelque sorte l'épilione de la future grande fresque proustienne. Il manifeste également une extraordinaire prescience quant à ce que l'histoire devait devenir, avec une radicalité pour celle-ci intenable. Mais comme les grandes expériences de pensée, et jusque dans la négative, elle n'énonce ni de cache, mais en retour, elle signale. Je reprends le terme employé par Proust dans ce passage. Elle signale que l'histoire est au futur, qu'elle porte en elle sa part de fiction, et que le document n'est rien sans l'expérience de la découverte. Nous ne sommes pas loin de la critique que Michel Foucault faisait subir à ce qu'il qualifiait d'histoire platonicienne. Paradoxe face à l'ironie de Proust quant aux ombres de l'archive. Reste à définir comment ce caveat peut composer avec les contributions toujours présentes de l'histoire beuvienne. Voici quelques-uns des apports et voilà quelques-unes des questions posées par trois pages d'un essai de la jeunesse tardive de Proust. Je vous remercie. Merci, Donatien. Sur la lecture, il y a beaucoup de notes en bas de page, comme vous l'avez signalé, des notes un peu perverses. Et il y a quatre notes qui parlent de Sainte-Beuve. Et ces quatre notes sont toutes très importantes. Et cette note-ci est en particulier importante. Il est vrai que Proust fait très peu de références aux 7 volumes de Port-Royal qu'il avait. Et c'est intéressant parce que les références qu'il fait à quelques-uns de ces 7 volumes, de ci, de là, dans ses cahiers, ne concerne jamais Port-Royal. Elle concerne Montaigne, Racine, je ne sais plus qui encore, mais des auteurs qui sont évoqués non pas directement en fonction de Port-Royal. Donc il y a en effet un texte que Proust connaît, mais dont il ne retient rien dans ses campagnes de lecture de Sainte-Beuve, qui date des années du contre-Sainte-Beuve et de la préparation de la recherche. C'est pas là, vous avez dit, il va vers les lundis, il va vers le Chateaubriand, même les études sur Virgile, hein, mais c'est pas le Port-Royal qui l'intéresse à ce moment-là. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, vous avez évoqué Léon Séché, puisque cette note où il est question de Port-Royal et de la visite à Mersfort, l'information de Proust, elle vient exclusivement de Léon Séché. C'est lui qu'il cite, comme vous dites, page 229 et suivante dans sa note. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que Léon Séché, dans ses pages, fait lui aussi le procès de Sainte-Beuve. Dans ce livre sur Sainte-Beuve, il dit « Cet épisode est unique dans la carrière de Sainte-Beuve. C'est la seule fois que Sainte-Beuve est allé regarder des archives. » Sainte-Beuve n'était pas un érudit, Sainte-Beuve n'était pas un philologue, n'était pas, il ne s'intéressait pas aux archives. Léon Séché donc dit « Sainte-Beuve monte en épingle cette visite qu'il a faite à Utrecht quand il était à Liège, parce que c'est la seule fois de sa vie qu'il a fait ça, qu'il est allé chercher des archives. Pour le reste, il était un homme du livre. Il n'était pas un historien, autrement dit. Sainte-Beuve n'est pas un historien. Sainte-Beuve, lorsqu'il parle d'archives, c'est exclusivement parce qu'elles lui ont été communiquées par lettre. Donc c'est ça la diplomatie. Lorsque Sainte-Beuve parle d'inédits, de documents, c'est que des documents lui ont été communiqués par des correspondants. Et en particulier, à Mersfort, il lui fallait le directeur du séminaire, Karsten, qui lui en fait a fait le travail pour lui. Et au fond, c'est le grief qui est inclus dans ce texte de Léon Séché, qui est le livre écrit sur Sainte-Beuve, publié en 1904 pour le centenaire de la naissance de Sainte-Beuve. Et évidemment, Léon Séché, c'est le type même de l'érudit. Comment dire ? Alors là, ça entre aussi dans la note de Proust, puisque c'est le type même de l'érudit qui reproduit des documents, pour qui le document, c'est la vérité. Il suffit de donner les documents. Et quand on voit l'œuvre de Léon Séché, on se dit, c'est pas possible, il a écrit... Léon Séché publié dans ces années, 1900 à la guerre de 14, entre la fin du 19e siècle et la guerre de 14, il publiait au Mercure de France, qui n'était pas un éditeur d'érudition, c'est publié au Mercure de France, il publiait des documents sur le romantisme, sur Musset, sur Lamartine. Alors, il y a ça aussi dans la discussion de Proust avec Léon Séché, c'est il ne suffit pas de publier des documents pour faire de l'histoire. Et il y a, alors c'est vrai que Proust n'est pas un philologue, Sainte-Beuve non plus n'est pas un philologue. Sainte-Beuve, c'est un historien de la littérature, mais ce n'est pas un historien puisqu'il n'est jamais allé aux archives nationales. Donc il y a cette polémique-là aussi, me semble-t-il. Oui. Parce que c'est un moment, vous avez décrit le moment comme celui du développement de la philologie, mais il y a aussi toute cette érudition qui est du côté de la curiosité. Et Léon Séché, c'est le prototype de cette curiosité, rechercher des archives pour les archives. Voilà, un certain nombre d'éléments que je crois qu'il faut introduire. Un, Léon Séché ne défend pas Sainte-Beuve dans cet épisode. Au contraire, il aurait bien aimé que Sainte-Beuve fût un archiviste. Lorsqu'il dit « c'est la seule fois qu'il a fait de l'archive pour Port-Royal », il dit « Port-Royal, ce serait mieux s'il avait fait un peu plus d'archives ». Et puis ce que Proust dit, c'est qu'au fond, il ne s'intéresse pas à ce type d'érudition qui est l'érudition littéraire, l'érudition de l'histoire littéraire et des publications pour les curieux. Moi, je suis absolument d'accord. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, même par rapport à Sainte-Beuve, c'est la grande question qui est derrière. Et pour moi, le cœur du texte, du passage, évidemment, c'est D'ailleurs, le fait que l'antagonisme de Léon Séché est encore plus intéressant, parce que Proust aurait pu prendre en compte le fait absolument. Que Sainte-Beuve a lu, pour le coup, et qu'il a publié des documents. Donc, je pense que ce qui est aussi intéressant dans ce passage, notamment avec le jeu des temps et la dénégation immédiate en note de la vérité de ce qui est dit, c'est tout de même, au fond, Port-Royal, enfin, avec la critique de Léon Séché, c'est le texte où Sainte-Beuve est le plus historien, en vérité. Et c'est tout de même un texte qui a eu un énorme impact sur l'écriture de l'histoire au travers du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Sainte-Beuve est historien, il apparaît en note, mélangé à Proust, contaminé, qui mélange ses impressions du voyage en Hollande avec la visite qu'avait faite Sainte-Beuve. Et non seulement ça, mais en plus, il manifeste clairement par l'affirmation de fausseté qu'il s'agit d'une fiction. Et je pense qu'il y a aussi là, enfin c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, il y a une sorte de surgissement de la question du rapport au fait et du rapport au fait extérieur et au rapport du fait, et une sorte d'opposition entre le passé qui peut être revécu et l'histoire qui est séparée. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas faire une référence à un essai à la mode d'il y a 10 ans, « De quoi Sainte-Beuve est-il le nom ?» c'est que là-dedans viennent se cristalliser, enfin c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais travaillé dessus, et ce que je trouve ce texte manifeste de manière très note, comme vous le disiez, manifeste de manière très forte, c'est un nœud de problème. Et ce texte-là témoigne d'un problème tout à fait particulier, qui est le rapport de Proust à l'histoire. Et c'est vrai que le rapport à l'érudition, tous ces éléments, donc merci beaucoup de ces ajouts, parce que c'est vrai que ça vient complexifier la question de ce rapport à l'histoire, parce qu'il ne mentionne pas Léon Séché, juste cité comme ça. Le passage de Léon Séché qui est cité est un passage, on sent un peu l'ironie hein, quand il va à Amersfoort, mais c'est quand même un passage qui pourrait paraître positif. Qui l'est pas. C'est ça. Qui l'est pas. Donc, et Proust le sait. Oui. Eh bien, merci de nous avoir donné ce bel exposé sur cette note. Merci. Du Collège de France, vous venez d'écouter le séminaire d'Antoine Compagnon, Proust essayiste, avec Donatien Gros. Aujourd'hui, fiction, non-fiction, l'histoire dans l'essai. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours. Donatien Gros a notamment publié « Tout contre Sainte-Beuve, l'inspiration retrouvée en 2013 chez Grasset » et plus récemment le roman romain « Généalogie d'un genre français » aux belles lettres en 2018. Réalisation Anne de Pelchin, présentation et coordination Meryl Moneghetti. La semaine prochaine, Antoine Compagnon recevra Evelyne Bloch-Dano sur les questionnaires comme genèse de l'essai chez Proust. Et dans quelques instants, nous retrouvons une histoire particulière. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Culture.